Grand Est, Je t'aime en musique, avec Hélène Ingret. Je t'aime, T-H-E-M-E, et oui, ce sont donc un thème qui est décliné tous les mois. Et en ce mois de novembre, eh bien, nous allons décliner les prénoms, puisqu'effectivement, quelques jours après le mois de novembre, mais les préparatifs ont lieu courant novembre, et bien quelques jours après a lieu le 6 décembre la Saint-Nicolas. Et nous terminerons d'ailleurs cette émission avec la Saint-Nicolas interprétée par Eddie Lagoyache. Je spelle tout de suite le nom de cet artiste. Eddie, E-D-D-Y, plus loin L-A, plus loin G-2-O-Y-A-T-S-H. Eddie Lagoyache, qui nous interprétera Saint-Nicolas, puisqu'on s'arrêtera avec la lettre N, Nicolas. Et on commencera avec Angelina, avec la lettre A, Angelina, interprétée par l'homme des tavernes. Partie sans rien dire, elle n'a pas su nous prévenir. On se souvenait d'elle en danseuse ou en sauterelle. Angelina, Angelina. Elle a grandi dans les bouges comme une cigale infrarouge, talonnant sa mère serveuse en immigrée besogneuse. Angelina, Angelina. Un jour ce fut elle la grande, la féminine de la bande, au milieu des frères tendus, des malfrats des mains au cul. Angelina, Angelina, Angelina. Elle apprit à les connaître, les tribus, les contremaîtres, s'en est très vite méfiée, se refusant d'être aimée. Angelina, Angelina. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais prit le rôle d'une maman, intérim pour un neveu, un cas social silencieux. Angelina, Angelina. Un drôle d'amour tenternel, des panons jusqu'au charnel. On ne choisit pas toujours, oh, quand on a besoin de m'amour. Angelina, Angelina, Angelina. Casé un beau jour avec un bourge de Strasbourg et promis de rattraper, oh, la famille et le passé. Angelina, Angelina, Angelina. Elle n'est plus là, mais c'est à elle que l'on doit le don de tenir parole. Oh, elle qui passait pour une folle. Angelina, Angelina, Angelina. On se souvient de toi, Angelina. Angelina, ci ricordiamo di te, Angelina. se souvient de toi, Angelina. Angelina, ci ricordiamo di te, Angelina. Angelina, donc l'homme des tavernes, l'homme des tavernes, LHODESMEDESTAVERNES@gmail.com. Alors, nous continuons notre déclinaison avec Monsieur Yaz, qui nous interprète. C'est un des rares titres en anglais, mais on comprend très bien, effectivement, le prénom, hein, puisqu'il s'agit de Caroline. Ah oui, bah, en anglais, ça sera un tout petit peu différent. Caroline, interprété par Monsieur Yaz. Flight, shipped on board a plane from nowhere, Caroline, interprétée par Yaz. Yaz que vous pouvez retrouver sur yazmusic.com. Yaz, YAZ-MUSIK.com. Nous continuons notre pérégrination dans les prénoms. Et oui, puisque vous êtes dans l'émission Grand Est, je t'aime en musique, thème T-H-E-M-E. Et ce grand test, je t'aime en musique, est consacré au prénom, oui, parce que quelques jours ensuite, c'est la Saint-Nicolas. Et nous déclinons donc de A à V. Hein, nous avons commencé avec Angelina, nous terminerons avec Valentine. Et là, nous sommes avec Diego Palavas, ah oui, Diego Palavas, qui va nous interpréter, eh bien, Colombia, Diego Palavas. Sans les yeux, sans les noirs, si le mot bien lourd, un mémorial pour cœur troué a vu le jour, bien dans ma chair, bien dans l'écorce, bien fait pour moi. Palavas, Diego Palavas, qui nous interprète donc Colombia. Et Diego Palavas, si vous voulez le joindre, eh bien, c'est très simple, c'est très simple. Eh bien, Diego, hein, donc, vous voyez comment ça peut s'appeler, Diego. Et puis, Palavas, eh bien, c'est P-A-2-L-A-V-A-S. S. Diego Palavas qui nous interprétait donc Colombia, puisque nous déclinons les prénoms. Et là, nous sommes avec les Bredelers, donc c'est un groupe alsacien. Et oui, c'est un groupe alsacien qui justement nous propose, eh bien c'est un peu un petit côté ploum ploum tralala, hein, mais ce qui nous propose effectivement de pouvoir écouter, eh bien écouter Greta. Bien sagement derrière ces tireuses, on se serait tous battus pour la rendre heureuse, suscitant à chaque geste nos désirs charnels. Nous on était là rêvant de se faire la meule. Ouh, Greta, on aime quand tu nous mates comme ça. Tire bien à fond sur le levier, que la bière puisse enfin couler. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous rends fous, pourtant on se mettrait tous à genoux, à genoux, à genoux. Quand la nuit s'arrive, elle sait nous mettre à l'aise, s'obligeant à ne regarder que ses yeux. Elle était la réponse d'être au milieu. Greta, on aime quand tu nous sers comme ça. Viens partager les plaisirs de l'ange, laisse couler la bière dans ta gorge. Accroche-toi à ton donner, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous rends fous, pourtant on se mettrait tous. Accroche-toi à ton gonnet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous rends fous, pourtant on se mettrait tous à genoux. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous rends fous, pourtant on se mettait tous. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous rends fous, pourtant on se mettrait tous à genoux. Greta, interprétée par les Bredelers. Alors, les Bredelers, ça s'écrit tout simplement comme ça se prononce. Eh oui, non, mais c'est Bredelers. Les Bredelers.com. Et c'est la tisane qui nous propose aussi quasiment de nous mettre à genoux devant Jeanne, la tisane. Tu me l'as. Elle avait une vie dure, mais elle était merveille. Elle n'avait pas 15 ans quand je l'ai vue la pucelle. Là-bas sur les côtes de Meuse, les filles font pas semblant. Au quarail, elle s'est levée et tout en nous regardant, elle a dit de sa petite voix: je m'en vais loin là-bas, ne m'en demandez pas trop, ce que je sais, c'est qu'il faut. Eh bien Jeanne, si c'est ainsi, je m'en vais loin aussi. Et ne m'en demande pas moins, on verra bien en chemin. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai suivi son chemin. Et vite appris à me battre pour défendre les siens. Car ce Dieu qui l'appelait, ce n'était pas le mien. Mais qu'importe, car c'était elle qui était mon chemin. Elle disait de sa petite voix: je m'en vais loin là-bas, ne m'en demandez pas trop, ce que je sais, c'est qu'il faut. Eh bien Jeanne, si c'est ainsi, je m'en vais loin aussi. Et ne m'en demande pas moins, on verra bien en chemin. On verra bien en chemin. On verra bien en chemin. On verra bien en chemin. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. De la foi, elle en eut pour convaincre ses seigneurs. De prédictions en guérison, prophétie de Lorraine. Baudricourt, enfin la croix, lui donne ses hommes d'escorte. Chant de messe et de boulangerie, toujours resteront fidèles. Me voilà Saint-Nicolas, au cœur de ton église, saint patron de Lorraine, je m'apprête à partir. Longtemps j'ai douté de toi et de ma destinée, mais l'espoir dans leurs yeux m'empêche de reculer. Elle disait de sa petite voix: demandez pas trop, ce que je sais, c'est qu'il faut. Eh bien Jeanne, si c'est ainsi, je m'en vais loin aussi. Et ne m'en demande pas moins, on verra bien en chemin. On verra bien en chemin. J'ai tremblé pour elle en prudente pucelle. D'allure si fragile parfois, mais furieuse au combat. En armure sous sa bannière, nous voulions tant lui plaire. De retour en mon pays, dans ma tête résonne ses cris. Je n'ai rien pu empêcher au milieu du bûcher. Du croissant et de la croix, les hommes sont tous pareils. Oui, mais toi tu es en moi, à jamais la pucelle. Elle a dit de sa petite voix: je m'en vais loin là-bas, ne m'en demandez pas trop, ce que je sais, c'est qu'il faut. Eh bien Jeanne, si c'est ainsi, je m'en vais loin aussi. Et ne m'en demande pas moins, on verra bien en chemin. On verra bien en chemin. On verra bien en chemin. On verra bien en chemin. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. La tisane qui nous interprétait Jeanne. Alors la tisane, si vous voulez les retrouver, latisane.fr. Et là, nous avons notre invité donc du Grand, hors Grand Est, et tout près, hein, Bourgogne-Franche-Comté, Maggie Boll. Alors, c'est la seule qui nous interprète un homme. Eh oui, Maggie Boll, Jean-Marc. Alors, Maggie Boll, Jean-Marc. Quand j'ai croisé ce jeune homme qui était aussi jeune que mon père, il avait plus de phéromones que des escars en plein désert. m'a proposé son numéro. Il savait pas, le cochon, avec sa dégaine de vieux beau, qu'il allait finir en chanson sur son camion une inscription. Jean-Marc, pathétique, débouche tes canalisations. Vidange ta fosse septique. S'il avait été zingueur, je me serais bien fait dézinguer. S'il avait été monteur, je me serais bien fait démonter. S'il eût été ramoneur, je me serais bien fait ramoner. Mais Jean-Marc, c'est un crooner qui débouche tes WC. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu me cures le siphon, que tu me carchérises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à graisse, qui est plein comme un gendarme. J'ai les conduits en détresse. Tire-moi la sonnette d'alarme. Caresse-moi le robinet. Déverse-toi dans mon égout. Inspecte-moi la cavité. Et remplis-moi les trous. Oh oui, dégaze-moi la cuve. Pompe-moi la fosse septique. Il fait tout chaud dans mon étuve. Viens faire un tour sous mes tropiques. S'il était archéologue, je l'aurais laissé fouiller. S'il eût été proctologue, je me serais bien fait proctoler. Je me serais fait déculotter. S'il eût été sans culotte, mais Jean-Marc est habillé et il s'occupe de tes chiottes. Détarte-moi la colonne, désingue-moi la plomberie. Oh oui, prouve-moi que t'es un homme. Inspecte-moi la tuyauterie. Assainis-moi le caillon, réhydrate mes sédiments. Ventouse-moi le boxon, canalise-moi violemment. J'ai les fluides qui se détraquent. Je crois que j'ai perdu les eaux usées. J'ai comme des fuites dans le cloaque et le réservoir percé. J'ai l'impression que je suis plus étanche. Oh oui, Jean-Marc, colmate-moi. Il suffirait d'un petit coup de manche pour que ça reparte comme autrefois. S'il avait été chômeur, ben il aurait pas chômé. S'il avait été violeur, c'est pas un métier. S'il était aventurier, j'aurais été son Amazon. Mais voilà, ça fait rêver. Jean-Marc, c'est le roi des trônes. La tête baissée, Jean-Marc, tu fonces et tu essayes et tu siphonnes. Jean-Marc, des plus jeunes jusqu'aux plus vieilles, tu cherches une femme. Jean-Marc, qui te soit fidèle, mais t'as les mains dans toutes les flaques. Et c'est pas occasionnel, et j'ai crié Jean-Marc, avec moi, t'as rien à perdre. Et j'ai hurlé Jean-Marc, vu que t'es déjà dans la merde. L'avais pas l'oreille affûtée. Et pour un siphonneur, le comble c'est d'être bouché comme un sanibroyeur. S'il eût été boulanger, il m'aurait pétri les seins. S'il avait été pompier, il m'aurait aspergé les reins. S'il avait été curé, ben ça y aurait fait du bien. Mais Jean-Marc, il est athée et il visite les petits coins. S'il était agriculteur, je me serais bien fait labourer. S'il eût été cascadeur, je me serais bien fait culbuter. S'il eût été vendangeur, je l'aurais laissé me grappiller. Mais Jean-Marc est vidangeur et il exporte tes cabinets. S'il avait été zingueur, dézingué. S'il avait été monteur, démonté. S'il eût été ramoneur, oui, ramoné. Mais Jean-Marc, c'est un crooner. Et Jean-Marc, il paye sa rêve. Maggie Ball, qui nous interprétait donc Jean-Marc. Alors Maggie Ball, eh bien c'est un jeu de mots peut-être. Ben voilà, enfin c'est Maggie plus loin, Ball. Hein. Donc M-A-2-G-Y plus loin Ball, B-O-2-L-E. Maggieball.fr ou Maggieball@yahoo.fr comme vous le voulez. Et voilà. Alors c'était un peu de légèreté, même grosse légèreté, par rapport à un petit thème qui est un peu moins léger. Et oui, quand j'ai envisagé cette émission pour décliner les différents prénoms, à l'occasion justement de la Saint-Nicolas, puisque vous êtes dans le grand test Je t'aime en musique d'octobre, et qu'il n'y avait pas raison qu'il n'y ait que Nicolas qui soit promu musicalement, eh bien, j'ai pensé donc à ces prénoms et à un moment donné, m'est venu à l'esprit ce pin, c'est un pin, ce qui était fait. Et moi, j'avais trouvé ça très drôle, mais je suis très bon public. Et c'était marqué Pauline partout, Justine nulle part. Pauline partout, Justine nulle part. Donc, c'est un clin d'œil qui est fait avec le slogan Police partout, Justice nulle part. Eh bien, ça me donne l'occasion de vous parler d'un ouvrage fait par Vanessa Codaccioni. Alors, je vous précise, donc, Vanessa Codaccioni, ça s'écrit donc Codaccioni, C-O-D-A-2-C-I-O-N-I. Ioni. Et donc Vanessa Codaccioni a fait un ouvrage qui n'est pas très épais, hein, mais vous en avez largement pour votre argent parce que l'ouvrage en lui-même est dense. Hein, il fait un peu moins d'une centaine de pages. Il vaut donc 12,90 €. Ça s'appelle « Répression, l'État face aux contestations politiques ». Donc, chez l'éditeur Textuel. Petite encyclopédie critique. Et Vanessa Codaccioni, donc, c'est une sociologue, enfin une chercheuse au niveau de, du CNRS. Elle nous explique effectivement qu'elle, que les différentes institutions, depuis cette, ces dernières décennies, en plus forte raison depuis la dernière, que ce soit les institutions judiciaires, administratives, également médiatiques en grande partie, eh bien sont là pour, sont instrumentalisées pour justement faire passer les opposants politiques, écologistes, syndicalistes et autres gilets jaunes, comme des casseurs, voire pourquoi pas des terroristes. Donc en fait, elle, des délinquants, bref, ce sont plus des une contestation politique au sens large, au sens citoyen, eh bien non, ce sont tout simplement des délinquants. Donc elle analyse ça très bien. Et effectivement, Vanessa Codaccioni est particulièrement, disons, au courant de cette affaire, hein, puisque elle a déjà fait, notamment aux éditions du CNRS, hein, où elle travaille, justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terrorisme, et les légitimes défenses, homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages. Celui-ci, Répression, l'État face aux contestations politiques, colle encore davantage à l'actualité, puisqu'il a été fait récemment, hein, donc récemment en 2019, hein, donc aux éditions Textuelles. Et si vous ne voulez pas lire l'ouvrage, eh bien vous pouvez tout simplement vous reporter à France Culture, à l'émission La Grande Table. Hein, c'est une émission qui passe entre midi et 13h30. L'intervention de Vanessa Codaccioni se trouve donc en deuxième partie, donc plutôt de 13h à 13h30, hein, une bonne demi-heure, un peu avant 13h. Et elle reprend donc l'idée centrale de ses études, de son analyse concernant donc cette répression institutionnelle. Donc c'est sur France Culture, dans l'émission La Grande Table, du 5 avril 2019. Allez, on revient à quelque chose d'un peu plus léger. Eh bien, notre liste, toujours notre liste, des différents prénoms chantés par des artistes du Grand Est. Alors là, c'est Calcanos qui nous interprète Juliette Calcanos. Calcanos, jamais féroce, on vient en paix pour parler, pour vous chanter quelques chansons, pas faire dans l'intimidation. On fait du rap et du raga avec la rage d'un petit chat. Non, souris, on est gentil, représente la joie de vivre de Nancy. Calcanos, jamais féroce, on vient en paix pour parler, pour vous chanter quelques chansons, pas faire dans l'intimidation. On fait du rap et du raga avec la rage d'un petit chat. Non, souris, on est gentil, représente la joie de vivre de Nancy. Palma plutôt que Tony Montana. Pas attiré par les mercos, je me satisfais de mon Picasso. Je préfère un sourire même en quoi un regard de travers. Et si personne ne me crase, c'est franchement pas pour me déplaire. Leur haine attire leur haine, ça vaut aussi pour son contraire. Où y'a de la joie, y'a moins de peine et on se porte mieux sur cette terre. Ouais, c'est du rap de bisounours qui t'a passé pour des maltraites. On n'est pas là pour foutre la trousse ou vénérer les portes flingues. Calcanos, jamais féroce, on vient en paix pour parler, pour vous chanter quelques chansons, pas faire dans l'intimidation. On fait du rap et du raga avec la rage d'un petit chat. Nos sourires, on est gentils, représente la joie vive de Nancy. Bon, un petit psychopathe, poli avenant, mais qui en joue tant qu'il en vend et que l'auditeur se méprend. Alors on vient et on assume, on fait pas dans la comédie. On prend notre part de la plume pour vous faire des guili-guili. On vient pas jouer les plus forts, juste trouver le bon mot. Parler de ta mère, c'est pas notre genre, on jugera pas sa libido. Chacun nous rouge, jamais féroce, on vient en paix pour parler, pour vous chanter quelques chansons. On va faire dans l'intimidation, on fait du rap et du raga avec la rage d'un petit chat. Un gros sourire, on est gentil, représente la joie vive de Nancy. Qu'on vient pas jouer les cracks, c'est pas non plus des lacrimes en vrac, ni tout à fait une arnaque. Si ce soir on mérite des claques, on répond du tic contact que c'est la faute à tout un pack, que la plus d'un jour dans notre sang. On récapite un sympathie, un guitariste qui sourit, un accordéoniste tout petit, un chanteur qui s'égosille. On est du genre à donner l'envie à des Johnny d'avoir envie, à faire du breakdance et les papilles, ou faire la chenille à Saint-Denis. Alors, ouais, elle est pas belle la vie, en tout cas on fait avec, même si c'est pas le paradis. Le verre est à moitié plein parce qu'on le renverse, il est rempli. Calcanos. Alors Calcanos, ça s'écrit K-A-L-K-A-N-O-S.com si vous voulez le joindre. Calcanos. Et puis nous continuons cette liste de quelques prénoms dans cette émission de novembre, hein, à l'occasion de la Saint-Nicolas. Et oui, pourquoi pas que Nicolas? Eh bien, pourquoi que Nicolas plus exactement? Je cause bien la France. Eh bien, mauvaise graine, qui nous interprète Maria Mauvaise Graine. Maria, I never found somebody, yeah. Maria, I never found authority. Et Maria, n'est pas une vie pour toi. Elle n'est pas très courtoise, c'est pas une vie pour toi. Et ses allures de bimbo ne m'ont pas laissé indifférent. Elle s'est maniée son corps et ses mots, toujours à bon escient. Elle aime les hommes et les hommes l'aiment. Elle est pas sérieuse, elle est pas du genre fidèle. Elle aime ce qui brille, elle est superficielle. Elle a toujours raison, elle tire les ficelles. Oh Maria, Maria, tu nous rends fous. Oh Maria, Maria. Et Maria, elle ne veut pas se marier. Maria, elle n'aime pas l'autorité. Et Maria, elle n'est pas une vie pour toi. Elle n'est pas très courtoise, c'est pas une vie pour toi. Malgré le temps qui passe, les blessures qui s'effacent, les bons souvenirs qu'on oublie, les mauvais qui refont surface, t'as toujours été là, sache que personne ne te remplace. Et dans mon cœur, t'auras toujours ta place. Et si un jour t'es triste et que cette douleur persiste, n'oublie pas que je serai l'un des premiers à te rendre service. Tu comptes beaucoup pour moi, plus que ce que tu imagines. Le love fait pousser tes ailes, vite le love réanime. Et si un jour tu penses que je ne t'aime plus, Écoute cette chanson, écoute son contenu. Je ne pourrai jamais t'oublier quoi que soit venu. Oh, et Maria ne veut pas se marier. Oh, et Maria n'aime pas l'autorité. Maria n'est pas une fille pour toi. Elle n'est pas très courtoise. C'est pas une fille pour toi. Dans tes yeux, il y a quelque chose qui fait que. Il y a quelque chose qui me plaît. Il y a quelque chose qui fait que je te veux, tu me plais. Et dans tes yeux qui te trahissent sur tes pensées, bien qu'elles soient certes sensées, comme un arrière-goût inachevé. Maria ne veut pas se marier. Ah, et Maria n'aime pas l'autorité. Maria n'est pas une fille pour toi. Elle n'est pas très courtoise. Maria, oui, mais c'est mauvaise graine, mauvaise graine. Donc, graine, vous savez que ça ne s'écrit pas avec un E accent grave. Hein. Donc, mauvaise graine, mauvaisgraine.net, si vous voulez les joindre. Et nous allons donc poursuivre cette émission et Grand Est, je t'aime en musique de novembre, et bien consacrée au prénom. Et nous avons, on affectionne d'une part Dominique Walter, bien entendu. Dominique Walter, on affectionne aussi quand il nous chante Marion, puisqu'il se trouve qu'effectivement, nous allons la dédicacer, Dominique Walter, à Marion et puis à Lia, qui m'assiste dans cette mise en onde de ce grand test « Je t'aime » en musique. Dans un village de campagne, entouré de champs de blé, un vieil homme regarde le ciel où il voudrait s'en aller. Il est droit devant sa porte, les mains croisées dans le dos, et il reste de la sorte durant des heures sans dire mot. Il repart vers ses 20 ans, à l'âge des illusions, dans les champs de ses parents, faire les foins avec Marion. Fille de la ferme voisine, ils étaient de vrais amis. L'amour est venu en sourdine, un jour Dieu les a unis. Le bonheur, c'est si peu de choses, de l'amour, un sourire et des roses. Le silence d'un baiser, un regard apprivoisé, une main que l'on garde serrée. Il a construit de ses mains une maison en pierre de taille, pour accueillir en son sein les cris de sa joyeuse marmaille. Que les journées étaient dures dans ce monde paysan, cela passait à toute allure, sans aucune plainte pourtant. Il y avait les dimanches qui étaient des jours de fête, autour de la grande table la famille était complète. Marion de son sourire rallumait la maison, Dieu qu'il en était fier d'être le mari de Marion. Le bonheur, c'est si peu de choses, de l'amour, un sourire et des roses. le silence d'un baiser, un regard apprivoisé, une main que l'on garde serrée. Puis vinrent les années où les oiseaux s'envolèrent, les uns derrière les autres vers la ville, loin de la terre. Du lundi au dimanche, les semaines s'étiraient, les parents, les amis vers le ciel s'en allaient. Le silence devint brusque il y a 10 ans de cela, quand le sourire de Marion dans un souffle s'effaça. Dans un village de campagne, entouré de champs de blé, un vieil homme regarde le ciel où il voudrait s'en aller. Le bonheur, c'est si peu de choses, de l'amour, un sourire et des roses. Mais Marion est partie, c'était son amour, sa vie, c'était son paradis. Renouvelons notre dédicace à Marion et à Lia de Radio Guémousseau. Allez, nous sommes quasiment dans la dernière ligne droite de ce grand test Je t'aime en musique consacrée au prénom avec Charlie Chopin. Ah oui, ça c'est également un peu dur, mais c'est hélas la réalité d'un certain nombre de personnes. Allez, Mathéo, Charlie Chopin. Mathéo dort sous la neige, sur le trottoir d'une de nos villes. Sa tête posée contre la pierre, il sourit aux anges du paradis. Il n'a fait que fuir toutes ses guerres et les prisons de son pays. Perdu tant d'amis et de frères dans les décombres de ces villes où la mort est la seule famille. Mathéo dort sous la neige, sur le trottoir d'une de nos villes. Sa tête posée contre la pierre, il sourit aux anges du paradis. Il n'a fait que fuir la misère, chercher et trouver un paradis. D'autres terres, d'autres frontières, juste un endroit pour vivre, un endroit pour vieillir. Mathéo meurt sous la neige, sur le trottoir d'une de nos villes. Sa tête posée contre la pierre, il est mort seul dans l'oubli. Pourtant il croyait dur comme fer que quelque part il y avait pour lui un coin de paix sur cette terre où les hommes voudraient de lui, où il suffirait de vivre. Mathéo dormait sous la neige. Les gens passaient à côté de lui. Il s'est retrouvé pris au piège de l'égoïsme de nos villes. Mathéo est mort sous la neige, sur le trottoir d'une de nos villes. Lui qui rêvait de cette terre, c'est elle qui l'a ensevelie. Charlie Chopin que vous pouvez retrouver tout simplement, Charlie Chopin, charlichopat@free.fr, ou sinon aussi dans la revue Causons-en, puisque il est le principal acteur de cette revue Causons-en, magazine mensuel dans les Vosges, que vous pouvez trouver dans toute bonne crèmerie consacrée à ce type de presse. Allez, L'avant-dernière. Eh oui, bah quand même, elle arrive. La Saint-Nicolas, bah oui, bah bien sûr, mais elle arrive vite. Et tout simplement parce que la Saint-Nicolas, c'est Eddy Lagouache qui nous l'interprète, la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, nous savons que vous êtes des écoliers, le grand et saint patron. Quand votre honneur, ils font de belles fêtes et sont heureux de chanter votre nom. Daignez aussi sur nos petites têtes étendre un peu votre protection. Saint-Nicolas. Quand vous étiez vivant sur cette terre, debout entouré de filles et de garçons qui se pressaient comme autour d'un bon père pour écouter vos touchantes leçons. Saint-Nicolas, notre